8, 7, observation, date. 1623. Où? 1623. 1945 ou 1945? Dans les dates, on écrit 1000, M-I-L, au lieu de 1000, M-I-2-L-E. Et pour les dates entre 1100 et 1999, on peut dire 1100, 1200, 1300, etc. jusqu'à 1900.